l'air étonné par ce son que tu méconnais. Ça sonne techno mais ça donne dans tes HP. C'est HH, c'est pas à chier. C'est vital pour moi de changer de style. Comme boire du lait UHTI. La vache, t'es des concerts, des tailles. Attends le concert pour fly. Combattant au mic, râle pas si t'es pas ouvert d'esprit. Quoi, moi je kiffe le son, un point c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, girl? Touche-toi si t'aimes. Boy, coucou coucou, je dois si t'aimes pas. Je fais ce que j'aime, donc respecte, ne déteste pas. Tu peux tester car c'est puissant comme une Z3. Tel Z ou moi, le lion qui te course le roi. Je reviens encore une fois chargé de love et d'émoi. Toujours le même écho, mes gars, mes go et mes bédos. Je me contente des mots, mais l'ego, tu le sais, yo. Big up gros, big up cross. Dans ton camion, ta caisse, ton carrosse ou sur ton vélo cross. Mes textes montent, mes coups de cœur, mes coups de crosse. Écoute si t'es open, défoncé ou ross. Et teste ton matos, ne crame pas tes HP. Attends un peu la fin, tu seras rassasié si de bons sons tu as faim. Vitesse F1, Nick Sarko et TF1. Je suis un faux DJ qui veut être un vrai rappeur. T'inquiète, j'ai même pas peur que l'on me traite d'amateur. N'en même pas peur de vous ouvrir mon cœur, de vous dévoiler mes rancœurs. Parfois trop smooth ou trop rocker. Tu connais le rap, tu connais le funk et le jazz. Je sais que quand tu me connais, ça te plaît ou tu jazz. Car ça ressemble à rien que tu connais. J'avoue que je suis adepte à la classe brand new, brand new. Content toi de me kiffer, d'être content de moi. Si je t'ai emporté grâce à mes beats et ma voix. Moi tu vois que je kiffe la zik comme le pape la voix. Que le peuple voit, c'est magique, c'est ma plus grosse récompense. Et même que ça compense les tracas de ma life comme une blessure qu'on pense. Tu connais je pense, maintenant mes motivations. C'est libre en téléchargement, donc fais péter ce son. Comme